Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto, émission du 30 septembre 2014, Luc Desormeaux à l'animation. Et ce soir avec moi, j'ai deux de mes collègues, amis et comparses. On va commencer par Jean-François Beaulieu. Salut Jean-François. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Et puis Martin Sagala. Salut Martin. Salut Luc. Martin qui travaille comme un forcené ces temps-ci, de jour, de nuit, de soir, secrétaire, apporte le café, il fait tout. Je sais plus c'est quand j'ai l'autre la nuit. Ouais, c'est. Le jour, normalement, c'est quand il fait clair, puis la nuit, normalement, c'est quand il fait noir, mais ça commence à être de plus en plus nébuleux. Je remarque même plus ça. Ah, ouais, c'est bon. Enlève tes lunettes de soleil. On va peut-être marcher un peu. Donc, messieurs, on va commencer l'émission. On va faire quelque chose que je fais pas souvent sur le podcast auto, c'est parler de jeux vidéo. Ceux qui me connaissent un peu savent que je fais un autre podcast qui s'appelle Réalité Augmentée, où on parle quasiment juste de ça, de films et de toutes sortes de choses d'autres. Mais ce soir, j'ai un jeu vidéo qui a rapport avec les autos à vous en parler. À vous en parler. Donc, on va jaser de ça. C'est le jeu qui s'appelle Forza Horizon 2, qui est sorti, ma foi, aujourd'hui, 30 septembre, sur Xbox One et sur Xbox 360. Donc, c'est la suite, vous l'aurez compris, de Forza Horizon. C'est de la série Forza, donc c'est une série de jeux de course. Forza Horizon, ce qui est un peu différent de la série Forza normale, c'est que la série Forza normale, c'est des courses sur piste, un certain nombre de tours à faire, et puis on monte en rang, on achète des nouvelles voitures, puis le but, c'est de devenir le meilleur pilote possible sur les plus grosses voitures possibles, donc Ferrari, Lamborghini, tout ça, c'est pas mal le plus haut qu'on peut aller chercher. On peut aussi aller chercher, Bugatti Veyron, c'est tout ça, c'est toutes ces choses-là, mais c'est vraiment des courses sur des continents différents, des pistes différentes, puis c'est ça. Forza Horizon, la différence avec ça, c'est que c'est un monde ouvert, donc oui, il y a des courses à faire, oui, il y a des choses à faire, mais on peut aussi juste décider de se promener sa route puis de se foutre un peu de ce que ce que l'histoire principale veut qu'on fasse. Mais bon, si on veut avancer, acheter des voitures puis tout ça, gagner de l'argent pour débarrer ou aller s'acheter des nouvelles voitures, faut quand même faire les courses et tout ça. Puis l'histoire est quand même intéressante. Ça se passe durant le festival Horizon, un peu comme dans la première mouture. Dans la deuxième, ça se passe en Europe, plus précisément en France puis en Italie. Et puis on va avoir une personne qui a l'air assez riche, qui gère cette espèce de festival-là. Et puis dans le festival, on a différents types de courses. On a des courses qui vont se passer vraiment sur route, hors route, sur piste, des courses de rue dans des villes, des choses comme ça, avec ou sans trafic qui font pas nécessairement partie de la course. Donc on peut avoir des courses avec des gens qui font juste s'en aller à l'épicerie, puis il faut dépasser ces gens-là sans vraiment qu'ils soient dans nos jambes. Donc, il y a plusieurs types de courses pour ce jeu-là. Moi, je le joue sur la Xbox One. Je vous dirais que je n'avais point de Xbox One avant de recevoir ma copie média pour Forza Horizon 2. C'est le jeu qui m'a fait acheter ma Xbox One le vendredi que de la semaine j'ai reçu le jeu. J'ai reçu le jeu la semaine dernière, et puis vendredi, j'étais allé chercher ma Xbox avant. Donc, même pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Et puis, j'étais allé chercher la Xbox le vendredi. J'avais reçu le code pour le jeu le jeudi. Donc, c'est un jeu qui m'a quand même coûté cher. Mais ça à la longue, on va le rentabiliser en ayant d'autres jeux aussi. Mais s'il y avait un jeu qui pouvait me faire acheter une Xbox One, passer de 360 à Xbox One, c'était bien Forza 5 et Forza Horizon. Donc, ça va avoir été Horizon qui va me faire passer. Oui, j'espère que ça va être bon aussi. Donc, c'est ça. Donc, on commence avec, on nous fait choisir une voiture parmi quelques modèles. Là, je me rappelle pas des modèles de départ. Moi, j'ai pris une BMW Z4. Donc, c'est avec ça qu'on va faire nos classes au début, qu'on va commencer et puis qu'on va pouvoir se ramasser un peu d'argent pour pouvoir finalement s'acheter d'autres voitures et tout ça. Dans le jeu, je vous mentirai pas, il y a plus de 200 voitures qu'on peut conduire. Il y a des voitures qu'on peut acheter. Il y a des voitures qu'il faut... on peut acheter avec des crédits du jeu. Il y a des voitures qu'il faut acheter avec de la vraie argent en achetant des packs de voitures. Des fois, ils vont nous vendre 4-5 voitures ensemble pour, je sais pas, au moins 3-4$. Je me rappelle pas c'est quoi les prix, là. Mais si vous voulez vraiment avoir toutes les voitures, ça vaut la peine. Sinon, je vous dirais que c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Mais bon, des voitures qu'on retrouve dans le jeu, là, je vais vous en donner une liste. On passera pas les 200 parce qu'on va faire plus qu'une émission là-dessus, là. Mais comme par exemple Audi R8 coupé V10 2013, Bentley Continental GT. On va aller avec Camaro ZL1, Camaro Z28, la nouvelle Z28, la Corvette Stingray, Chevrolet Impala, SS 409 de 1964, Corvette ZR1 1995, on a Ferrari F12 Berlinetta, Ferrari 430 Scuderia, la Ferrari, donc la nouvelle la Ferrari, une Ferrari 458 Italia, on a la 458 Italia spéciale aussi, l'espèce de Ferrari avec la ligne au centre, c'est la 458 avec la ligne blanche et verte, si je me rappelle bien, des Mustang, bon la Boss 302 69, qui est la classique, l'original. On a aussi la Mustang GT 2015 est dans le jeu. Donc, je peux vous dire que j'ai conduit la Mustang GT 2015. Non, ça marche pas de même. Ouais, c'est ça, à peu près. Ça va faire un beau compte rendu. Ouais, c'est ça. Ford GT, on a bon plusieurs versions de la Mustang, un Hummer H1. Bon, ça, à date, j'ai pas eu la chance ou malchance de la conduire. Pas vu l'intérêt. Non, j'ai pas vu l'intérêt. La Honda, bon, ici, Acura NSX. Hyundai Genesis, Hyundai Veloster. La nouvelle, Lamborghini Huracan. Lamborghini Veneno, qui est une Lamborghini qui je pense qu'il s'est fait en 5 exemplaires. Là, je sais pas trop, mais il y en a pas beaucoup sur le marché. Lexus LFA. Plusieurs Lotus Exige, Eleven, des Maserati, Mazda RX-7, Mazda RX-8, McLaren, la nouvelle P1 est dans le jeu. J'ai eu la chance de la conduire. On a, bon, dans le jeu, puis bon, j'en passe, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. La Toyota GT86, qu'on connaît ici sous le nom de Sion FRS, est dans le jeu. Golf GTI, Viper, tout ça. Il y en a une tonne. Comme je vous dis, il y en a à peu près 200. Des neuves et des moins neuves. J'ai conduit une GTI, c'est une Golf GTI. C'était quoi? C'est une 84 dans le jeu. Fait que c'était quelque chose, là. Mais c'est vraiment intéressant. Il y a plein de jeux, les Mercedes AMG. Ça finit plus. Même la McLaren F1, la 12C. Donc, c'est vraiment complet. Donc, dans le jeu, on a des voitures qu'on peut tout simplement acheter. On a aussi, ils vont nous mettre des défis à un moment donné où on peut courser avec une voiture, puis on va nous donner une mission précise, donc te rendre à telle place en dedans de 2 minutes. Puis là, on a peut-être, je sais pas au moins, tant de kilomètres à faire, et puis il faut le faire en dedans de 2 minutes. Souvent, c'est pas nécessairement difficile de le faire si il n'y avait pas de personnes sur la route, s'il n'y a pas d'autres gens Y sur la a-t-il route. aussi des piétons à écraser comme dans d'autres jeux ou Non, il n'y a pas de c'est quand piétons. Non, même non. on se garde une petite gêne On a gardé une petite gêne, il n'y a pas de piétons. Les là? piétons sont toujours protégés par des murs de ciment, des choses Un comme ça. grand mur invisible. Non, un mur visible. OK. Ouais, non. Sinon, c'est un monde ouvert. J'ai pas trouvé à date de mur qui m'arrêtait. Mais bon, s'il y a des piétons, ils sont en arrière d'un mur de ciment, donc on peut pas s'amuser juste pour le fun à passer sur le dos des piétons. Donc c'est ça, on a les courses principales. Comme au début avec la Z4 que j'ai, on va me faire une coupe de course. On va gagner de l'argent. Là, ils vont vous demander de vous acheter une autre voiture. À un moment donné, il va dire, c'est drôle, c'est la deuxième voiture qu'il te donne. Il dit, OK, tu as une course à faire, puis là, on te donne, tiens, prends telle voiture, va faire la course, puis là, il te donne une Ferrari 458 Italia. Puis quand tu as fini, il dit, ben, en passant, tu peux garder la voiture. Ah, OK. Ah, T'en rien que ça. as-tu d'autres comme ça? T'sais? Donc, après ça, on peut, bon, on va nous, l'histoire va nous demander de faire certaines courses dans certaines catégories de voitures. Et puis pour faire la course, on va devoir acheter cette voiture-là avec les crédits gagnés. Pour finir l'histoire, on nous demande pas d'acheter de voitures qui sont dans des packs ou des ensembles de voitures qu'on va payer avec de l'argent. Ça se fait tout avec les Tout est dans le voitures. jeu. Ouais, tout est dans le jeu. Mais c'est ça, on peut trouver. Ils ont vraiment mis le paquet. On a des espèces des voitures qui sont cachées dans des granges. Donc on a, je pense, une dizaine de voitures qui sont ce qu'on appelle en anglais des barn finds, des voitures que quelqu'un aurait laissées dans une grange. C'est bien à la mode ces temps-ci. Il y a eu une coupe en Alberta, à un moment donné, ils ont trouvé des voitures assez chères dans une grange, des choses comme ça. Donc on peut trouver ça, ces voitures-là. Oui, ça se trouve, j'en ai une dans ma cour. Un barn find, c'est ça. Mais tu sais, fait qu'il y a plusieurs voitures comme ça. comme ça. Après ça, bon, comme je vous dis, on va avoir des espèces de regroupements aussi de personnes. Fait qu'il va y avoir des espèces de shows de voitures dans un stationnement. Et puis là, ça peut être des gens qui sont vraiment des vraies personnes qui sont sur Internet dans le jeu et puis qui vont en même place que vous présenter leur voiture. Puis là, vous pouvez changer des configurations de voiture, des personnalisations, donc des couleurs, des lignes de course, des collants, des choses comme ça. On peut s'échanger des choses à travers le jeu. On peut, bon, aller dans un garage, à un moment donné, là, il va vous dire le garage est ouvert, vous pouvez aller acheter des voitures. Là, on a la panoplie de voitures. C'est pas les 200 qui sont nécessairement disponibles à être achetés directement là, mais là, on peut passer à travers toutes les marques de voitures et décider qu'est-ce qu'on veut acheter avec les crédits qu'on a gagnés. Bon, une des premières, puis ça surprendra personne, a été la Mustang 2015 que j'ai acheté dans le jeu. Après ça, j'ai acheté une Toyota GT86, donc la Sion FRS. Il y a aussi la Subaru BRZ qui se retrouve dans le jeu, qui est la même auto, là. Après ça, j'ai acheté une Golf GTI 84, je pense, dans ces années-là pour faire une course. J'ai acheté quelques voitures comme ça pour être capable de courser dans différentes catégories, parce que chaque catégorie a son type de voiture. Donc les supercars, ben là, les voitures exotiques, ça va nous prendre une Ferrari pour le faire. Là, j'ai Grand Touring, fait que j'ai été obligé d'acheter une Jaguar XR. Fait que j'ai une Jaguar XRS bleu, un peu bleu Mustang, qu'on voit l'espèce de bon, bleu. Tu ne peux pas apprécier brillant. Le confort? Non, je peux pas apprécier le confort parce que, bon, c'est juste numérique. Mais ce qui est drôle, c'est que chaque voiture se comporte différemment sur la route. On peut sentir la différence dans la manière que la voiture se conduit pour la plupart. J'ai acheté une Fiesta ST pour faire une course dans cette espèce de catégorie-là de petites voitures de sport. Et puis, elle se conduit totalement différemment que, mettons, la McLaren P1, qu'on m'a donné une mission de dire « te rends au village en tant de temps pour gagner le succès ». Et puis, la voiture se comporte différemment. On sent que la voiture est puissante, on sent que c'est les roues arrière qui poussent au lieu des roues avant qui vont tirer quand tu as une propulsion de traction avant. Le dépendant de la température, parce que dans le jeu Forza, puis c'est une première pour la série Forza, c'est que la température peut être changeante. Puis ça peut passer aussi du jour à la nuit. Donc, on peut être en train de conduire pour s'en aller à notre prochaine étape. Et puis, à un moment donné, on va voir le soleil va commencer à descendre, puis là, ça va venir plus sombre. Puis là, les phares des voitures vont commencer à s'allumer, puis là, on est rendu qu'on roule de soir. Puis là, on va arriver. Finalement, c'est un peu comme moi, on sait plus trop c'est quand le jour puis la nuit. On sait plus trop quand c'est quand le jour puis la nuit. On peut avoir aussi de la pluie qui va arriver tout d'un coup, fait que la température va changer. Là, on va avoir de la pluie. Les graphismes sont vraiment magnifiques. Là, on commence vraiment à être presque photoréaliste à ce point-là. Là. C'est vraiment, vraiment merveilleux. On a des missions où est-ce qu'on peut prendre des photos. Donc, on va nous donner une mission maintenant. On va dire, OK, je veux avoir les photos de toutes les voitures qui sont disponibles pour le Festival Horizon. C'est la personne qui gère le festival. Il dit, je vais donner 1000 crédits à chaque fois que tu vas prendre une photo d'une nouvelle voiture. Puis, je vais donner un bonus à chaque 20 voitures que tu vas prendre, chaque 30 voitures que tu vas prendre. Je vais te donner un montant de plus. Fait que là, tu pars, tu rencontres une voiture, puis là, tu le mets en mode photo, tu prends une photo, puis là, ça te dit, c'est la même que tu as déjà pris. Fait qu'il va te dire pas de nouvelle voiture, ou il va prendre la photo, il va te dire le nom de la voiture que tu as pris en photo, puis ça va te donner de l'argent pour pouvoir t'acheter d'autres voitures. Fait qu'on a des missions comme ça. On a des missions où ce qu'il faut faire des prouesses. Donc, à un moment donné, il me dit, prends une Nissan GT-R, puis va faire, faut que tu sautes. Un peu à la shérif fais-moi peur, là. Faut que tu sautes dans un hangar abandonné, faut que tu fasses faire des sauts à ta GTR. Là, faut trouver c'est quoi le meilleur moyen, parce qu'on nous donne toujours du temps précis, on nous donne 2 minutes pour faire, je pense que c'est 20 sauts. Fait que là, faut que tu trouves la meilleure place pour faire des 20 sauts. Puis là, tu sais, au début, tu te dis, ah, OK, il faut que je reste dans cette place-là. Fait que là, tu cherches comment le faire à l'intérieur des comme des barrières qui t'ont donné, mais là, tu t'aperçois que même si tu sors des barrières à un moment donné, puis tu vas comme des montagnes en arrière des hangars qui t'ont dit, puis tu commences à sauter par-dessus les espèces de petites montagnes qu'il y a, des petites côtes qu'il y a, ça compte pareil. Puis là, tu commences à passer ton temps dans les côtes à la place, puis faire 20 sauts quand il y a 15 côtes de suite, c'est comme assez rapide. Va Fait que plus tu sais, vite un peu. ouais, fait qu'il faut pas toujours suivre ce qu'ils vont dire. De passer d'une étape à l'autre, à chaque fois qu'on passe d'une course à l'autre, mettons, je sais pas, mais ils vont me donner chaque catégorie, chaque championnat va avoir quatre courses qui vont être à des endroits différents. Donc, chaque fois qu'on va participer à une de ces courses-là, de ces quatre courses-là, faut faire un petit tracé en mode libre, là. On met le GPS, on dit bon, je veux m'en aller là. Il va apparaître des petites flèches vertes à terre pour nous dire bon, ben passe par là, tourne à gauche. Vraiment, quelqu'un va nous dire la prochaine tourne à gauche. Par exemple, c'est un vrai GPS, mais on n'est pas obligé entre ces courses-là. On peut juste rouler. On peut juste regarder la carte là, puis dire, bon, il faut que je m'en aille là, je me prends une demi-heure, je fais juste rouler ces routes qu'ils ont créées dans le jeu. Puis on a vraiment l'impression d'être en train de rouler à quelque part sur une route d'Europe, tellement c'est super bien fait. Il y a des routes sinueuses dans des champs, des routes sur le bord de l'eau. À un moment donné, il y a une On est place en loin des routes du France. Québec, si je comprends Oh, bien. ouais, c'est vraiment magnifique. On fait une série de courses à la Côte d'Azur, puis qu'on se promène sur le bord de la mer, tu sais, avec les voitures, puis là, des fois la pluie qui tombe, le reflet de la pluie sur la route, puis tout ça avec les lumières, c'est vraiment super bien fait. Comme je disais tantôt, on est pas loin du photoréalisme. C'est vraiment, vraiment super. Les voitures sont le fun. On a l'espèce d'effet de vitesse. Il y avait une version de Forza, je pense que c'était Forza 3 ou Forza 2 que moi j'avais pas joué. Une version que j'avais pas joué, je pense que c'est le Forza 2. Qu'on avait perdu l'effet de vitesse. Fait que tu avais l'impression que ta voiture, elle avançait pas. Tu regardais l'asphalte, là, puis tu avais l'impression que la vitesse que ça t'affichait que tu roulais, mettons, je sais pas, moins 225 km/h, puis ce que tu avais l'impression de rouler quand tu regardais l'asphalte, puis le décor, ça marchait pas. Là, ça marche assez bien, là. Je me promenais juste avant l'émission, je jouais un peu, puis j'étais en train de conduire ma Jaguar XKR un peu n'importe où, n'importe comment. Et puis, à un moment donné, là, tu passes proche d'un mur de ciment, des choses comme ça, là, tu t'en aperçois que tu es en train de rouler vite, puis là, tu prends un virage un peu trop serré, puis tu vois que le derrière de l'auto veut partir. Là, ils ont vraiment travaillé la physique. Quand il y a de la pluie, c'est encore pire. C'est vraiment facile d'échapper l'auto. Il y a des modes différents. Vous pouvez mettre ça vraiment réaliste si vous voulez. Que si vous prenez trop le champ, vous passez votre temps dans les murs de ciment, votre voiture va vraiment se briser, puis à un moment donné, vous ne pourrez pas finir la course parce que la voiture va être trop brisée. Ou on peut le mettre en mode plus arcade, où ça va être bien tolérant. La voiture va se bosser. Il va y avoir des dommages sur l'auto, mais il n'y aura pas nécessairement de bris mécanique qui va faire que la voiture avancera plus. Fait que ça c'est des modes que vous pouvez changer. Vous pouvez ajuster plein d'affaires sur l'auto. La hauteur, la suspension, vous pouvez ajuster l'aileron, vous pouvez changer les pneus, peinturer l'auto, mettre des collants. On peut vraiment faire tout ce qu'on voudrait faire sur une voiture, la tuner, comme on dit, faire du tuning. C'est vraiment super comme jeu. On embarque, là. C'est un des plus beaux jeux de course que j'ai vu à date, là. Si vous aimez les jeux de course, si vous pensiez peut-être vous acheter une Xbox One, vous êtes un peu gamer, puis c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous dirais, n'hésitez pas, c'est le jeu de course présentement, là. Si je regarde, moi, je donne pas vraiment de chiffres puis de notes, là, ce show-là. C'est plus une émission d'essais auto puis des choses-là. Fait que je donnerai pas nécessairement de notes, là, mais si vous regardez les notes ailleurs, là, ça joue entre le 8.5, le 9.5, puis dans ces coins-là, là. J'ai pas vu une note, je pense, en bas de 8.5. Fait que ça vaut amplement la peine. C'est magnifique à regarder. On a du contenu à pu finir, des courses. Chercher les autos dans les granges, c'est difficile. Il y en a une tonne. Les défis collecteurs que je disais, où on prend une voiture, puis on nous dit, fais telle chose avec cette voiture-là pour. Ça donne des points d'expérience, ça va vous aider à gagner des bracelets qui vont vous faire avancer dans le jeu, de l'argent, des crédits, puis tout ça. C'est le fun, ça aussi. Acheter les voitures, je veux dire, vous voulez vous acheter une Bugatti Veyron dans le jeu, vous pouvez, ça va vous coûter 2 millions de crédits. Fait que, attelez-vous, puis Moins cher que faites-en. dans la vraie vie. Ben, c'est à peu près semblable, une Veyron, c'est pas 2 millions. Ah, c'est 2 millions, mais de dollars, pas de Ouais, crédit. c'est ça. Fait que c'est à peu près l'équivalent, mais tu sais, fait que si vous voulez avoir des belles voitures, tout ça, c'est hyper cher. Une P1, c'est le même prix. Une LaFerrari, c'est 1 million quelques crédits. Donc, faut jouer longtemps pour pouvoir débarrer toutes ces voitures-là ou les gagner. Quand on débarre certains niveaux, on a la chance de gagner des crédits puis tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, je vous dis, allez vous le procurer si vous avez une Xbox One ou si vous étiez sur le bord de vous en acheter une. C'est pas mal le temps. Fait que je donnerai pas de note, mais je vais lui donner pareil un 9,5. Justement. C'est assez extraordinaire comme jeu. Ils ont vraiment pas manqué leur coup. C'est beau graphiquement, c'est le fun à jouer, c'est enivrant, c'est ça. Puis de la manière que je conduis, je comprends pourquoi Jaguar me prêtera probablement jamais d'auto. Mais bon, arracher un poteau de téléphone avec une Jaguar, c'est arrivé une couple de fois dans le jeu. Quand tu veux gagner à tout prix, c'est ça. Mais non, c'est assez merveilleux. Fait que c'est ça, ça fait le tour de ce merveilleux jeu-là, Forza Horizon 2, Xbox 360, Xbox One. Si vous voulez en entendre plus, mais on va faire la critique sur l'émission Réalité Augmentée de cette semaine. Ça vous tente d'écouter plus? Je m'en parlais avec JB, lui aussi a joué. Fait que avec Jean-Benoît, il a joué lui aussi. Qu'on va en parler un peu plus longuement. Même si ça fait déjà quasiment 20 minutes que j'en parle. Donc, c'est ça, Jean-François, tu voulais nous parler NASCAR. Qu'est-ce Oui. qui se passe dans le merveilleux monde de la course automobile? Ben, présentement, c'est les séries en NASCAR. C'est la chase, comme ils disent à RDS. C'est vraiment là, les courses qui déterminent le champion de la série. Cette année, ça a un petit peu changé. Les règles ont un petit peu changé. L'an passé, il y avait 12 conducteurs qui pouvaient se qualifier aux séries. Maintenant, il y en a 16. Seulement pour les trois courses qui sont Chicago, New Hampshire et à Dover. Dover qui a eu dimanche dernier. Chicagoland, c'est le champion l'an passé, Brad Keselowski, qui a gagné. Au New Hampshire, ça a été très serré. Ça s'est fini en drapeau vert, drapeau blanc et drapeau à damier, à cause des nombreux drapeaux jaunes qu'il y a eu durant cette course. Je pense qu'il y a eu un record lors de cette course-là pour le nombre de drapeaux jaunes. Juste vous dire que le New Hampshire, c'est une piste qui est très... C'est un short track, une piste à courte distance. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'accidents durant cette course-là. Puis Dover, c'en est aussi une qui est à peu près 1 000 de long. Elle aussi, c'est C'est comme une short... minuscule quand on y pense, quand même des véhicules capables de rouler à cette vitesse-là, 1 000. Ouais, Mais c'est ça. C'est 1,6 km là. c'est à peu près un tour, c'est à peu près même pas quoi, 25 secondes? Un tour de piste? Ça commence à... C'est pas bien long. C'est pas bien Non, long, là. non, ben c'est des courses de quoi? Puis 200, 250 tours. à Bristol, c'est quoi? C'est même pas 15 secondes. C'est encore plus petit, là. Ouais. Puis c'est là. Pardon? C'est assez pour venir étourdi, là. Je pense pas. Bon, il y a quand même une ligne droite, mais elle est pas longue. Ça Ouais. prend 2 secondes, c'est fait. Va être plate pareil d'une certaine manière, là. Mais bon. Ben, ouais. Mais. C'est comme regarder une course en stade, là, c'est rendu là. Oui, c'est exactement ça. C'est, on dirait une piste d'athlétisme. Tellement que c'est pas gros, là. Puis il y a 43 véhicules sur cette piste-là. Fait Qui que roule à le. 200 000 à l'heure. Exact. Fait que c'est sûr qu'il y a pas mal d'accidents, pas mal d'autos froissés, Je suis pas donc mal surpris. d'autos qui rentrent dans le mur, puis moins de Non, pas surpris. crevaisons. C'est assez un bon show. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Dimanche dernier, c'était la première série de 3 courses qui s'est terminée. La deuxième, ils appellent ça les Contender 12. C'est qu'il y a 12 conducteurs des 16 conducteurs qui se ramassent à la deuxième série. Ceux qui sont partis, qui n'ont pas pu se qualifier, c'est AJ Allmendinger. Il y a Greg Biffle. Il y a Ryan Newman. C'est Kurt Busch. Puis c'est Matt Kenseth qui a été. Non, excuse-moi, pas Matt Kenseth. C'est Almirola qui a été éliminé de la course. Cependant, même s'ils sont éliminés des séries, ils courent pareil les autres courses, là. C'est encore, ça donne plus un autre show vu que les autres, genre les 30 autres conducteurs sont sur piste pareil. OK. Fait que ça, ils peuvent jouer, ils peuvent faire du trouble, ils peuvent vraiment là, causer des OK, ils restent surprises. là, mais ils peuvent plus gagner. C'est ça. Ben, ils peuvent gagner la course, mais pas gagner le championnat. OK. Fait que des fois, ça joue des tours hein, avec les autres Ouais, ça conducteurs. se revanche pour le reste de la saison. C'est ça. Puis Les trois prochaines qui s'en viennent, c'est Kansas, Charlotte, puis Talladega. Talladega, c'est la Super Speedway que je pense c'est 2,5 milles un tour. Puis les courbes sont à peu près, je pense, à 40 degrés. OK, ouais. C'est vraiment oblique, là. Puis c'est vraiment, c'est un Super Speedway. Fait que c'est sûr que ça va peut-être séparer les enfants, puis les meilleurs conducteurs des moins bons dans cette série-là. Puis les quatre, après ça, après ces trois courses-là, il y a les Eliminator 8. C'est les juste huit conducteurs qui vont pouvoir, encore dans la course du championnat, ça va être à Martinsville, qui est vraiment une petite piste. Il y a deux longues lignes droites, mais des virages très serrés. C'est à peu près 1 000 de long, elle aussi. Il y a Texas, puis il y a Phoenix. Ils sont considérés comme des courses normales. Puis ça se termine après au Championship 4, qui est la dernière course à Homestead à Miami. Ça, c'est la dernière course, puis ça détermine le gagnant de la série du championnat NASCAR pour cette année. OK. Ouais, c'est que ça joue quand même assez serré pour l'instant. Et c'est sûr qu'il y en a qui déçoivent, d'autres qui surprennent. Il y a vraiment des surprises dans cette course-là. Cette année. Pour les spectateurs, c'est un bonus, puis pour les pilotes, c'est un stress de plus. Question de même, là. Ouais. C'est-tu intéressant? Parce que Ben. je suis pas un fan de course. La seule course que j'ai regardée cette année, c'est la Formule E. Ouais. Même si je suis un fan de voiture, je suis pas un fan de course. J'ai l'impression qu'ils cherchent une manière d'intéresser le monde. On dirait qu'ils essayent plein d'affaires. C'est-tu parce que le nombre de spectateurs est en chute ou ça pogne plus à la télévision ou ils veulent juste essayer de faire quelque chose de nouveau? Ils essayent de sauver leur peau ou c'est vraiment... Je pense que c'est juste d'essayer de quoi de nouveau pour vraiment essayer, parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être une baisse d'intérêt, mais on regarde les autres séries, sont moins intéressantes, sont déjà terminées. L'IndyCar est déjà terminé. OK, ouais. Fait que c'est la seule course qui reste, c'est le NASCAR, il reste la Formule 1, mais la Formule 1, le dernier Grand Prix est aux États-Unis, c'est au mois de novembre. Fait que les Américains sont pas vraiment fanatiques de Formule 1. Alors, je pense que c'est juste pour faire un petit peu plus de compétition entre les équipes. Parce que ça fait à peu près, Jimmy Johnson, ça fait 6 de suite qu'il gagne. Ouais, Fait que, rendu tu sais, là. un peu, il essaie de couper les genres de séries de victoires à la suite, là. Fait que, c'est un des moyens, c'est comme ça qu'ils essaient de voir s'ils peuvent pas briser les séquences. Parce qu'il y a quand même des écuries assez puissantes. Il y en a Ils ont peut-être. des antécédents de changer les règlements pour empêcher quelqu'un de gagner, de toute façon. Exact. Ouais. OK. Fait ouais. C'est plus aussi pour encourager les autres écuries qui essayent de se faire un nom dans le NASCAR. Parce que c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. C'est un Penske, c'est tout le temps Hendrick Motorsport. C'est vraiment ces deux-là qui reviennent tout le temps. Puis À un moment les donné. gens commencent à être un peu tannés, que ce soit tout le temps eux autres. Et moi, ça doit être d'autres écuries qui commencent à vouloir prendre la place. Fait que. C'est un peu à cause de ça qu'on décide de faire des changements comme ça dans la série. OK, on va Ouais. voir si... Il avait fait des choses similaires à ça, dans les années 70, je pense, quand il y avait les, tu sais, les Plymouth Superbird, puis Ouais. les Charger Daytona, là, avec les nez Ouais. pointus, les grands ailes en arrière, ça valait des soucoupes volantes. Ils ont Ouais. juste carrément changé le règlement parce qu'ils gagnaient tout. Fait qu'à un moment donné, ils ont juste fait non, c'est assez. Ils ont tiré la plug, ils avaient plus le droit d'avoir d'aileron, plus le droit, ça fallait qu'ils ressemblent plus à un modèle de série. Ils ont tout changé le règlement juste pour être sûr de pas en voir. Et Mais ça a toi, ok. rebrassé, puis au moins ça a changé un peu l'air. Ouais. Ça fait une couple de fois que les NASCAR changent les voitures, changent les devants de voiture, les formats, la carrosserie, l'aérodynamisme. C'est sûr qu'il y a aussi la technologie qui embarque là-dedans, Oui, puis à chaque mais fois que quelqu'un tire un peu trop d'avantage, puis ça devient moins. moins T'sais, il essaie intéressant. de garder ça le plus. Comment, je cherche mon Compétitif. mot. C'est ça, compétitif, qu'il y ait un peu. Pas que ça soit un peu comme en Formule 1 où il y a deux écuries qui ont une chance de gagner, puis c'est juste de savoir laquelle des deux va finir en premier. Exact, c'est ça. C'est ça qu'un peu de NASCAR veut essayer de faire. Là. Parce qu'il y a quand même des bonnes équipes qui sont sont dans le championnat, comme il y a l'écurie à Tony Stewart, Stewart Haas, qui quand même assez se démarque aussi. Il y a Joe Gibbs avec les Toyota, malgré que les Toyota, je les aime pas vraiment. Mais bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Mais pareil, il y a quand même d'autres écuries qui essayent. On voit tranquillement qu'ils essayent de monter là, dans les écuries NASCAR aide à leur NASCAR. faire de la place un peu. Comment? J'ai dit NASCAR aide à leur faire de la place un peu. Ah, si, oui, ils aident beaucoup. Parce que c'est pas évident, ça coûte assez cher. Avoir une écurie NASCAR. Surtout Ah, ça, j'ai que pas de misère à croire ça. Rendu à 40. ce niveau-là, tout est cher. Parce que c'est quoi? C'est 30 courses pendant un an. C'est le transport, c'est les Ça, s'il faut commanditaires. en plus, s'il faut pas être compétitif, là, ça devient pas C'est drôle, ça, des c'est vite, là. ça. C'est C'était ça, pour tu avoir de perds dans une l'argent, c'est course. ça. Ouais, It's all about the money. C'est en rapport avec l'argent. Fait ouais. que c'est Puis, ça. Oui. si on finit ça, on va parler de Tony Stewart. Oui. Ah, C'est oui. qu'hier, il y a eu une conférence de presse concernant son accident qu'il a eu, son accident qui a causé la mort d'un pilote en sprint. Un sprint, c'est les voitures, c'est comme des buggies. C'est vraiment bizarre, ces voitures-là. Ouais, c'est Ils ont. des courses de terre battue, ça. Exact, c'est terre Les autos avec les battue. grandes ailerons, là. Ouais, c'est Exact. ça. Les grands ailerons, les roues découvertes, ça fait des accidents aussi spectaculaires Mais les qu'en courses elles-mêmes NASCAR. sont très spectaculaires. Oui, j'adore voir ça. C'est assez impressionnant, les genres de drift qu'ils font dans les Les moteurs virages. à nitro là-dessus, tout le kit, c'est vraiment spécial. Ouais. Ouais. Puis, ce qui est arrivé, c'est que Tony Stewart a comme frappé un pilote qui était sorti de sa voiture pour l'enguirlander parce qu'il avait fait une fausse manœuvre qui avait causé un accident. Tony Stewart l'a comme frappé puis est décédé sur le coup. Il y a eu une conférence de Oups. presse. Puis, Tony Stewart avait vraiment encore l'air secoué, mais ça faisait 2 mois que l'événement était passé. Pour lui, pendant les 2 premières semaines, il voulait parler à personne, il voulait voir personne. Ça l'a vraiment affecté. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon. Ça paraît. Mais ça apparaissait dans sa face hier. Il était vraiment les traits tirés, il était fatigué, il était triste, il était comme pas le mouton, mais je veux dire, il était secoué Je encore. m'attendais pas à ça. Vraiment pas, malgré qu'il a un caractère assez bouillant en NASCAR. Il est reconnu pour ça. Il dit qu'il est prêt à parler avec la famille, s'ils en ont besoin. Ensuite de ça, les journalistes ont demandé, parce qu'ils ont vu que le pilote avait des traces de marijuana dans son sang lors de son décès. Puis Tony Stone a répondu, ça n'a aucune importance, là, je veux dire, même s'il n'avait ou n'avait pas. C'est arrivé puis il est décédé, pareil, ça dérange quoi, là? Tu l'as frappé avec un char, ça change pas grand-chose. Exactement, il n'y a aucune importance. Mais ça change peut-être le fait qu'il aurait peut-être pas dû sortir de son auto. Ben, c'est ça, T'sais, on ne sait pas, est-ce que c'est de la faute du pilote, est-ce que c'est de la faute à Tony Stewart parce que c'est comme trop proche de lui pour, t'sais, genre, il fait peur, mais il l'a frappé Assez vraiment d'aplomb. intentionnellement, t'sais, on ne sait pas, est-ce que, sauf que le grand jury, c'est comme l'équivalent du directeur des poursuites criminelles, a décidé de ne pas porter d'accusation criminelle envers Tony Stewart par rapport à l'accident. Donc, au moins, ça, c'est réglé, mais on ne sait jamais l'histoire judiciaire avec sûrement la famille. Puis, enfin, des poursuites civiles sur le pilote, ça peut encore arriver. Celui-ci était comme un peu déçu d'avoir comme laissé tomber son équipe parce qu'il est propriétaire d'une équipe en NASCAR. Fait qu'il n'a pas Ça vraiment doit pu être un s'occuper. brin malaisant, juste Ouais. de rentrer travailler. Juste le regard des autres Oui. doit être un peu malaisant. Ouais, c'est ça, comme il dit, il voulait parler à personne, puis il voulait comme voir personne. Puis c'est sûr qu'il s'occupe d'une écurie. Puis il y a un de ses pilotes qui est dans la chase, fait qu'il est dans le championnat. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'il s'en occupe aussi. Mais quand il a comme laissé tomber son équipe, il dit, j'ai comme laissé tomber mon équipe. Fait que il se sentait vraiment mal. Mais je pense qu'on n'a pas encore fini d'entendre cette histoire-là dans les médias. Je suis sûr qu'il y a encore des procédures judiciaires pour lui plus civiles que criminelles dans cette histoire-là. On verra ce que l'avenir va apporter, mais je sais pas. Parce qu'il a même dit qu'il voulait plus, il savait même pas si ça tentait de continuer à faire de la course sprint, là, les voitures sprint, là. OK. Je sais pas quand est-ce qu'il va réembarquer dans une voiture comme ça. Je pense que ça l'a vraiment traumatisé. Ça l'a peut-être fait réfléchir aussi. Je sais pas si ça va paraître Espérons-le. sur la piste, mais t'as peut-être calmé ses ardeurs un petit peu, puis peut-être ses colères. Ouais. Peut-être décalé un petit peu, là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a une partie de responsabilité. D'un autre côté, c'est pas lui qui s'est sacré. C'est pas, il a pas demandé à l'autre de se sacrer en avant de son auto, là. Ben non, c'est sûr qu'il y a Mais c'est sûr. une part de responsabilité du pilote décédé aussi, là, de sortir de son véhicule, tandis qu'il y a des autres véhicules qui se promènent à 100 000 à l'heure juste à côté de lui. Ouais, c'est ça. C'est pas Ouais, mais une pour idée. avoir connu des camionneurs qui ont déjà tué du monde par accident, même si c'est l'autre personne qui s'est sacré devant, reste que ça C'est reste marquant pas. pareil. Ouais. Oh non, c'est Ça, sûr. l'événement reste le même, là. C'est Ouais, sûr. c'est sûr. C'est pas super intéressant. En tout cas, on verra ce que ça donne. Yes. Fait que merci, messieurs. On va finir ça là-dessus. Si on veut vous rejoindre, comment fait-on, Martin? Oui, ben sur la plupart des réseaux sociaux, sous mon nom de Martin Sagala. Sinon, ça m'arrive parfois quand je trouve un peu de temps d'écrire sur le site du podcast auto. Ouais, c'est bien correct. On t'en veut pas. Puis toi, Jean-François? Sur Twitter, JFLIEU. Puis c'est pas mal ça pour l'instant, là. Parfait. Moi, si vous voulez me rejoindre sur Twitter, c'est Ascalazormo. Il y a aussi bon la page Facebook, puis aussi le compte Twitter du podcast auto qui est à podcast auto ou facebook.com/podcast auto. Vous pouvez aussi me lire sur le blog de Kijiji tous les jeudis. Je mets un nouvel article en ligne. C'est fr.kijijiblog.ca dans la section véhicules. Ils ont refait le look du site. C'est beaucoup plus joli que c'était. Bravo à Kijiji pour ça. Ça a un look plus professionnel que ce que ça avait l'air avant. Donc, c'est pas mal ça. Puis vous pouvez aussi m'écouter sur Réalité Augmentée. J'en parlais tantôt avec Jean-Benoît Gagné. On fait un podcast sur jeux vidéo avec aussi Daniel Carazella. Tout qui est jeux vidéo, puis films et choses comme ça. Et puis, vous pouvez aussi nous écrire sur lepodcastauto@gmail.com si vous avez des questions, commentaires ou quelque chose du genre. Donc là-dessus, je vous remercie beaucoup. Puis on se dit ben à la semaine prochaine. Bye. Bye bye.